Yo. CMP, Jam Papou, 2013. Ok. Ok. J'ai la tête rentrée dans mes sens et le cul entre deux chaises. Je ne sais plus à quoi penser à part ce que je mets dans mes 16. Ma feuille craque car j'ai les mots lourds et je pèse mes mots que je manie au gant de velours pour rester haut. Après être tombé si bas, je remémore mes faits et gestes. Je torsionne mes couplets, prends ça pour un manifeste. Je suis pas resté dans le cadre comme une photo imprimée. J'étais plutôt dans le cas où avec mes potes on rimait. On apprenait la vie, on la prenait de face. On a zoné tard le soir pour voir qu'il y a rien qui se passe. La bande au complet avec des bombes dans le sac à dos. Bref, je te passe les détails, un tas de conneries qui tassent. Aujourd'hui la page est tournée, une nouvelle année entamée. Une pochette réalisée pour ceux qui m'auraient sous-estimé. J'ai fait le vide dans ma tête, presque tout supprimé. J'ai de la place que pour mes proches auxquels j'ai supprimé. Un certain regret car notre vie n'est qu'un plein d'essence. On cherche les raccourcis par le pied d'un gant d'essence. Notre seul moyen de s'éclairer, la lanterne à pétrole. On a parcouru le destin en total indécence. Un certain regret car on passe notre temps à rectifier le tir, gros, à éviter le pire. Un certain regret pour l'image qu'on donne de nous envers nos proches et tout ce que nous tenons. Ok, tu leur as dit? Dis-leur, gros, dis-leur. Bon, ok. Alors, petit, on se voyait médecin ou avocat. On comptait gratter à l'école pour avoir une grosse caisse. Mais plus les années passent et nos rêves se tassent. On perd de nos proches et nos corps prennent de l'âge. On regardait à travers les grilles ceux qui partaient en cours. Nos rêves de petits se sont bien barrés en couilles. On révisait le week-end avec nos verres de sky. Autant dire que la nuit nos intelligences se taillent. On ment à nos proches, on s'en fout plein les poches. On se dit que le mal n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce qu'elle nous approche. Une fois le bilan fait, on a tous pivoté. Nos rêves sont jetés, pliés, enterrés. Un avenir qui a été déjà dessiné, c'est notre destinée. On ne peut plus rien changer. Nos dés sont lancés depuis notre arrivée. À nous de la transmettre comme on fait nos aînés. Si je pouvais le refaire, j'aurais un bac plus 10. Mais je suis ni médecin ni avocat. Mais je suis pas le plus stupide. Néanmoins, je reste lucide. Ma vie n'est pas finie. Chaque jour est un défi que j'essaye de peaufiner. Un certain regret car notre vie n'est qu'un plein d'essence. On cherche les raccourcis par le pied d'un gant d'essence. Notre seul moyen de s'éclairer, la lanterne à pétrole. On a parcouru le destin en totale indécence. Un certain regret car on passe notre temps à rectifier le tir, gros, à éviter le pire. Un certain regret pour l'image qu'on donne de nous envers nos proches et tout ce que nous tenons.